Une partie de campagne. Et donc le lendemain, en attendant l'Afrique et les îles Marquises, Lila me fait découvrir son petit coin de paradis. Rien ne manque à notre périple, ni le panier de pique-nique bien rempli, ni la nappe à carreaux. J'ai fait une surprise à Lila ce matin. Je me suis réveillé à l'aube pour filer en douce à l'atelier. Armé d'une tronçonneuse à métaux, de baguettes de soudure et de tiges de fer, de deux vélos je n'en fis qu'un. Lila s'extasie, tourne autour du tandem, prend d'autorité place à l'avant, l'air conquérant. J'ai à peine le temps de poser une fesse sur la selle à l'arrière, qu'elle démarre en trombe et dévale la pente, pédalant comme une folle. J'essaie de suivre son rythme, mais je mouline dans le vide. Et puis comme, finalement, mon équipière fait le travail pour deux, je laisse mes jambes au repos, donnant libre cours à mes rêveries. Lila n'a pas Dieu dans le dos, à ce que je sache. Le voyage est très agréable. Je me laisse mener, nez au vent, humant les senteurs de la terre. Je me laisse guider dans la vie. Que c'est bon! Je m'intéresse un peu aussi à ce léger cliquetis qui détonne dans la mécanique parfaite du tandem dont je suis si fier. Il faudra que je règle cela à l'atelier. Tiens, j'ai les ongles un peu noirs, de cambouis. Je les inspecte attentivement pour passer le temps, bâillant en silence. Quand nous arrivons au bout du tunnel, je fais semblant de pédaler lorsqu'une Lila tout essoufflée me lance. « Fais pas semblant, t'en as pas foutu une, mon Mimi. Au retour, c'est toi qui pédales. » Je révise mon jugement. Lila a peut-être des yeux dans le dos. Quand elle ouvre la trappe, je suis à nouveau saisi par la bonne odeur de nature qui envahit le tunnel, par le chant des oiseaux aussi. Le coin est magnifique, très vert. Nous posons le pied sur une herbe épaisse comme un tapis de roi. Autour de nous, une multitude d'arbres fruitiers, un petit lac à quelques centaines de mètres, limpide, une douce colline dans le lointain, le ciel plus immense que jamais au-dessus de nos têtes. Et nous deux, rien que nous deux. Non, pas tout à fait, peut-être. J'aperçois une biche, deux lapins, des vers de terre, des oiseaux. Les habitants de la campagne nous accueillent chez eux. Quelle hospitalité! Nous nous promenons, main dans la main, et c'est doux. Lila est souvent venue pour se reposer du monde, mais c'est la toute première fois, apprends-je avec fierté, qu'elle admet quelqu'un d'autre dans son coin de paradis. C'est vrai qu'elle a quelque chose d'un ange. Quand elle va s'adonner à son occupation poétique favorite, je la regarde remplir de consonnes et de voyelles les feuilles grasses des fruitiers. Je rêve un peu. J'arrache quelques brins d'herbe, je mets le doigt dans la terre meuble, j'hume le sol aussi, à quatre pattes. Bientôt, je constate que je m'ennuie. La campagne me vole mon énergie, qui semble se perdre dans l'herbe entre les troncs des arbres. Pas moyen de faire la planche ici. Il y a bien le lac, mais il n'est pas salé. Il ne portera jamais mon corps, je le sais par avance. Et puis, c'est bien connu, les lacs sont infestés de monstres. Alors, je lis un peu, je patiente, je fais la chandelle, je fredonne, je me couche, je tente de toucher mes orteils avec le nez, j'essaie de m'occuper. Je ne dis rien à Lila de mon désœuvrement. Elle m'a d'ailleurs complètement oublié dans son papillonnement d'arbre en arbre. Le dos contre un tronc de pommier mort, j'attends le repas pour me désennuyer. De la pointe de mon canif, je décolle, absent, quelques morceaux de son écorce, plante la lame, la retire. Le bois paraît plutôt tendre. Je commence, l'esprit ailleurs, à esquisser paresseusement une forme. Il se sculpte très bien. La fibre est serrée comme de la pierre, tendre comme du calcaire élastique. Et je me prends au jeu. Ma forme est bientôt terminée, malgré moi. Et malgré moi, c'est encore un visage, le deuxième de ma vie, aux traits indéfinis, d'une dizaine de centimètres de haut, qui sort d'un moignon de branches en saillie sur le tronc. Mon cerveau se met debout, les mains sur les hanches, ébahi de tant de figurations. Je décide de faire un ami au petit visage, puis un autre, et encore un nouveau. Quand Lila revient, car il est temps de repartir, le soleil achevant son long travail de jour, une forêt de têtes a colonisé le tronc du pommier mort. Ma belle s'extasie en contemplant ce qu'elle appelle le petit village des gueules de bois. Adoptant sur son visage les mimiques de chaque personnage, imaginant à haute voix des monologues, des dialogues et des débats boiseux avec des voix différentes inspirées par les physionomies des visages sculptés, de leur bouche tordue ou large, de leur nez aplati ou de leur menton en galoche, Lila emplit l'espace de gestes bouffons, de démarches clownesques, de conversations désordonnées qui empruntent à chaque octave. En me tenant les côtes, bossu, je profite des dernières lueurs pour aller contempler sa poésie feuillagée qui s'est déployée dans le petit bois alentour. Certains arbres ont été littéralement couverts d'écritures. D'autres n'ont qu'une seule feuille ornée d'un petit poème. C'est selon le bon vouloir de Lila. La logique ici n'a pas son mot à dire. Elle m'assure que ces petites phrases poétiques n'empêchent aucunement la photosynthèse, même quand on ne remarque plus sur certains arbres que quelques touches de vert au milieu des écritures serrées. En effet, le stylo qu'elle utilise est à 90% composé de chlorophylle et de rayons de soleil, me dit-elle. Et tout ce que dit Lila est vrai. Je me tords le cou en me régalant de quelques micro-poèmes de ma douce. Les rêves de mon amour planchent des saveurs d'océan, ou « Monticule, monticule d'utopie, accueillez nos acrobaties », ou « Pelles et pioches forment les aiguilles de notre horloge d'harmonie ». Bras écartés du buste, jambes pliées, corps tendu et tête renversée en arrière, je ressemble à un vautour aux ailes brisées, sourire béat en prime. Blessé en plein vol par les charmes métriques de Lila, je claudique entre les arbres, sautillant dans l'épais tapis d'herbe. Un fort bruit, dans les aigus, me sort de ma pâmoison. C'est Lila qui me siffle comme un camionneur, quatre doigts entre les lèvres. Cette fille, c'est tout ou rien. Quand j'arrive vers elle, toujours dans la position du vautour peinant à prendre son envol, elle me compare à un corbeau blessé. Je dois avoir le cou moins long que je ne le crois. Nous nous gazouillons le bien réciproque que nous pensons de nos œuvres, remballons notre pique-nique, puis je fais chauffer le tandem. Embarqués dans nos pensées et nos activités respectives, nous n'avons pas pensé à déplier la nappe à carreaux ni à entamer notre déjeuner. Tant pis, c'était surtout pour l'image. Nous le savons, elle et moi. Nous descendons. Lila ferme attentivement la trappe de nos rêves et le compte à rebours est enclenché. 10, 9. Les roues tournent. La terre vole. Nous faisons du surplace. Dragster mu par nos muscles. 8, 7, 6. J'ai pris place à l'avant, debout sur les pédales. Je vais montrer à Lila que je sais aussi monter dans les tours. 5, 4. Mais elle ne me laisse pas faire. Du coin de l'œil, je l'aperçois dans la même position, animée d'une énergie titanesque, un sourire d'effort aux lèvres. 3, 2. Nous moulinons comme des dingues. Une odeur de caoutchouc brûlé commence à envahir le tunnel. Les pneus dégagent une épaisse fumée. 1, go. Le tandem démarre en trombe, nous collant à nos selles. La vitesse me coupe le souffle et la dynamo, rapidement chauffée à blanc, dégage une énergie que le phare récupère pour incendier littéralement les filaments de son ampoule sur lesquels se grillent les insectes imprudents. Une lumière vive, plus claire que le jour, inonde notre route dans des tons jaunes incandescents. Les taupes déguerpissent sur notre chemin, les lombrics se font petits, la terre gicle dans tous les sens. Lila ne me laisse toujours pas pédaler seule comme elle l'avait prévu. Elle imprime à notre équipage un rythme que je tente de rendre plus diabolique encore. J'ai les cheveux tirés en arrière, les yeux bridés, les joues qui gonflent en flageolant telles des oriflammes maltraitées par un jour d'ouragan, un rictus sur les lèvres provoqué par l'extrême vitesse. Je suis un parachutiste horizontal. Tout tremble autour de moi tandis que je parviens à grande peine à tenir le guidon. Mes doigts se crispent, mes avant-bras semblent prêts à se rompre. Mes biceps éjectent vers la surface leurs veines, mes épaules sont tendues comme des arcs martyrisés. Je suis à bout, mes jambes s'enflamment, mon corps est tout entier une boule de feu. Soudain, nous attaquons la pente et nous débouchons au grand air, comme un couple d'hommes-femmes canons siamois reliés à la naissance par le cadre. Plus un bruit. Nous flottons. Un faible crépitement se fait entendre, celui de nos corps surchauffés qui entrent en contact avec le frais de l'atmosphère. Une légère vapeur d'eau. Quand nous passons devant la pleine lune, Lila me dit « Oh, on dirait Iti !» Pendant notre envol aux airs d'éternité, les pensées filent dans mon crâne. Je fais des vœux en regardant ma maison d'en haut. Je contemple le jardin aux nombreux cratères qui s'étalent, loin sous mes pieds. « Tiens, il faudra que je change une tuile. » Au ralenti, je me tourne vers Lila qui se pâme le nez dans les étoiles. elle n'est plus avec nous, ni moi, à vrai dire. Nous sommes autre part, dans une région de l'esprit proche de l'ailleurs. Le tandem, au sommet de sa course ascendante, suspend son vol, et nous, couple propice. Nos deux têtes forment un point d'interrogation, tandis que nos pensées éparses se retournent subitement, comme aspirées, dans le réceptacle osseux qui les a engendrées. C'est la dégringolade, terrible, enflammée, vertigineuse. Et très courte, finalement. Nous traversons le toit à toute vitesse pour nous retrouver dans un bruit fracassant, chacun dans un fauteuil, assis dans le désordre dans un nuage de poussière, au milieu de soupirs de ressorts et de brisures de terre cuite. Il faudra que je change plusieurs tuiles. Après un bref moment de pause pendant lequel nous repositionnons nos méninges, nous nous cherchons des yeux, un peu dépeignés, mais radieux. « Ma petite reine, » lui dis-je tendrement, la tête à l'envers. La poussière reprend sa place habituelle, descendant lentement jusqu'au sol, sur les meubles, et le brouillard s'estompe. Je distingue les contours de la pièce. Force est de constater, quand tout est redevenu limpide, que le tandem que nous chevauchions quelques minutes auparavant ne se trouve plus à nos côtés. Nous nous levons pour fouiller la maison, le jardin, les branches des arbres. Rien. Après une recherche forcenée dans un périmètre qui s'étend, Lila le localise enfin. Elle me montre du doigt, sans un mot, les rosiers de ma plus proche voisine dans lequel mon vélo s'est littéralement encastré. Je suis catastrophé, dépité, j'ai mal au tandem et au voisinage. Je me tourne vers Lila, l'air déconfit. Elle me rend mon regard en se mordant les lèvres, l'œil frisant sacrément. Puis elle ne se retient plus du tout pour partir d'un éclat de rire joli, très féminin. Chose étrange, de mon gosier sort le même son, un rire incontrôlable ponctué de soubresauts, et nous nous contaminons tour à tour. Une foule de « i-i », de « ou-ou », de « a-a », accompagnée de quelques bribes de phrases où l'on retrouve les mots « tandem »,« rosier »,« voisine », »,« fou », »,« folle », »,« carnage », prend l'express jusqu'aux étoiles pour aller se perdre, guillerette, dans la nuit. Mon esprit rejoint la foule. Ma Lila me révèle mon côté lunaire qui se mélange au sien. Nous nous affranchissons de toute pesanteur. Nous sommes des hors-la-loi. Je pose un pied à terre. Bon, je vais aller récupérer le tandem. Ils sont capables de l'amener dans la benne du lieu étrange quand ils le découvriront demain matin. Je t'accompagne, me dit farouchement Lila. Et je crois entendre une musique héroïque.